centimètres à peine, et ça se croit tout permis, lâche et sans gêne, ce bijou de technologie, mal poli quand il sonne dans la poche d'un pote qui me parle, et qui me laisse en plan pour son insupportable portable. Il est très lâche quand il me dit texto, je te quitte, je ne t'aime plus. Un coup de poignard dans le dos. Quand on lui dit pas d'être discret, il sonne à tout bout de champ. Au cinéma, aux réunions ou même aux enterrements. Faut quand même bien avouer qu'avec lui on rigole bien. À jouer au ping-pong, allô, allô, je t'entends pas bien. Et au bout de 30 secondes, sacré petit farceur, l'autre vous dit eh non, vous êtes bien sur mon répondeur. Elle est belle, la technologie, mais elle nous rend un brin plus bête, un poil plus impoli. C'est pas pratique, on tape trop vite, alors on fait des anagrammes sur xéraptique, mais nullerique. Oh là, pourquoi on fier nu drame? Son grand frère n'est pas mieux, la même chose en plus gros. Il nous kidnappe un temps précieux, accroché au mulot. Quand on parle à quelqu'un, y'en a cinq autres qui rappliquent et qui perquisitionnent notre temps comme une poignée de flics. Faut quand même bien avouer qu'avec lui, on s'éclate à draguer super chaude 78 sur un chat qui se transforme enfin en un boutonneux farceur. Lol, lol, une fois je suis même tombé sur ma sœur. Elle est belle, la technologie, mais elle nous rend un brin plus bête, un poil plus impoli. C'est pas pratique, on tape trop vite, alors on fait des anagrammes sur xéraptique, mais nullerique. Oh là, pourquoi en fier du drame? Vous allez dire si je critique, pourquoi j'en fais usage? Parce que comme Obélix, je suis tombé dans de mon jeune âge. Génération d'accoutumés au 0 et au 1, qui surfent ou qui s'appellent pour rien, qui se fixent des rendez-vous quand on y en s'appelle. Ouais. Et si le portable vous lâche, comme un scrabble sans voyelle, le beul, le tuck ne le je, mais elle ne re-upre le but, up le zup le. C'est pas protoc, top travette, elle refait les anagrammes. Sorte sur uptoc, mène les rock, elle leur peur que ferne drum. Sur xéraptique, mais nullerique, au lard, pourquoi en fier nu drame? Sur que c'est pratique le numérique, alors pourquoi en faire un drame?